Chapitre 7. La marche aux grottes. Dans la grotte, le roulement du tonnerre, plus assourdi et plus confus, se prolongeait en infinis échos. C'est en soi une chose terrifiante que de marcher par de vastes couloirs obscurs, mais les éclats de la foudre y ajoutaient la crainte perpétuelle d'un cataclysme. Le danger n'était pas qu'imaginaire. Une fois, la montagne atteinte, je suppose, extérieurement, trembla toute, et après que la marée du bruit se fut perdue aux profondeurs, nous entendîmes, avec un indicible effroi, la chute d'un bloc rocheux qui se brisa et dont un fragment me frappa à l'épaule. Nous poursuivîmes. Je sentais frémir la petite main de Sabine. Nous avancions sans parler, dans un silence où l'angoisse et l'espoir se mêlaient aussi intimement que le gui au chêne. Une heure passa. L'enfant allait toujours, et je m'expliquais son assurance en me figurant le couloir unique, sans branche latérale. Mais je fus bien détrompé lorsque nous arrivâmes à une sorte de carrefour dont une des routes, que nous ne suivîmes pas, avait, au fond, un trou de vif argent. « Comment, dis-je à Sabine, l'enfant découvre-t-il sa voie parmi tant d'autres ?»« J'y ai songé, répondit-elle, alors qu'on me transportait à travers ces interminables grottes, et je n'y vois pas d'explication, sinon que les hommes des eaux ont le sens de l'espace mieux développé que nous, ainsi qu'il arrive pour les pigeons voyageurs. » Oui, chère Sabine, leur science du mouvement, les longs trajets qu'ils parcourent sous l'eau, ont pu leur donner à la longue le sens dont vous parlez. Je crois aussi qu'ils voient mieux que nous dans l'ombre. Après 2 heures de marche, la grotte s'élargit. Au loin, un reflet immobile de bronze clair annonça l'eau. Ce reflet grandit, verdissant, vacillant. Puis ce fut une aube craintive, un de ces faibles jours verticaux qui s'alanguissent à l'entrée des cavernes. Une vaste salle, dont nos yeux apercevaient à peine le haut, enfermait une cave souterraine. Cette eau se perdait, au loin, dans une galerie, vers la droite, et la lumière venait de là, portée du flot à la muraille et de la muraille au flot. Plusieurs grands oiseaux s'enfuirent à notre approche, et nous les vîmes longtemps voleter dans l'immense tunnel. Le saisissement de la clarté nous immobilisait, Sabine et moi. Nous éprouvions la joie sans parole des gens qui sortent d'un cauchemar. La figure de l'enfant s'éclairait de notre bonheur. Il nous fit signe de prendre du repos et nous lui obéîmes, tandis qu'il plongeait à l'eau souterraine et que nous le perdions de vue. J'avais Sabine contre moi. Nos deux cœurs, à travers toute lassitude, chantaient la forte chanson du printemps de vie. Sabine, dis-je, nous nous aimerons davantage pour tant de périls et d'aventures prodigieuses. Notre amour gardera la trace de nos terribles émotions. Jamais nous n'oublierons le souterrain grandiose, ces magnifiques et lourdes eaux dans la pénombre. Elle réfugia sa tête contre mon épaule, et des minutes adorables coulèrent où mes bras l'enveloppaient toutes dans un geste à la fois d'orgueil et de tendresse. Les sombres galeries parlèrent d'intarissables passions, du renouveau où se bâtissent les nids des épinoches et les foyers des hommes, de la beauté souveraine des frêles bien-aimés qui résument la grâce du monde. Chapitre 8. Les lacs intérieurs. Suivant d'abord une étroite chaussée, bientôt nous avions gravi un passage obscur qui devait nous faire passer au-dessus de l'eau souterraine, car nous aperçûmes son reflet dormant par une crevasse de la pierre. Nous marchâmes environ 2 heures, plus allègres qu'au matin, encore que les ténèbres fussent plus froides, plus humides et le couloir plus étroit. Enfin nous débouchâmes dans le fond d'une vallée. Ce fut un éblouissement. L'orage s'apaisait. Quelques abîmes bleus s'ouvraient parmi les nues molles, et des géants de neige y voyageaient sur des montagnes de coton. La vallée était une partie de la grotte dont le haut, sous quelques cataclysmes, avait chu. Les parois, terriblement escarpées jusqu'à la hauteur de 10 pieds, prenaient à partir de là une végétation folle où les reptiles de la liane le disputaient aux durs squelettes des arbrisseaux. En bas, c'était l'effondrement de la montagne, un flux pétrifié de blocs immenses, ciselés par la pluie en dents de monstres, en rudes figures d'animaux. Nous suivîmes ce val pendant quelque temps, puis nous rentrâmes sous terre, mais pour trouver, au bout de 20 minutes, un nouveau val. Il se passa 2 heures ainsi. Nous ne fîmes que tomber de l'ombre à la clarté, de jolis vals fleuris à de stupéfiantes cavernes. Enfin, la dernière fois, nous reparûmes au jour dans une combe immense remplie d'eau. On voyait venir de loin la rivière qui alimente ce gigantesque bassin. Elle y tombe en une chute large de plus de 70 mètres et haute de 15 à 20. Alors la joie de l'enfant nous frappa. Rapide, il nous entraînait, nous faisait doubler un cap de haute roche. Et voilà que des demeures humaines apparurent, semblables à celles des hommes des eaux. Au cri poussé par quelques femmes, tout un peuple amphibie sortit de l'onde, accourut vers nous. Ils étaient semblables à l'enfant, leurs cheveux longs et fins, leurs extrémités assez épaisses, au total leur ressemblance plus grande avec nous. Je reconnus par la suite qu'ils étaient inférieurs aux hommes des eaux claires ou eaux noires, et cela m'expliqua leur relégation aux lacs et rivières souterrains. Il est notable que leur infériorité provenait de leur moindre distance à notre type, constituant ici un retard d'évolution. Ma première hypothèse, où je voyais en eux les derniers venus dans la contrée, ne tint pas devant d'ultérieures recherches. Il semble plutôt qu'ils appartenaient à une des premières émigrations qui suivirent à quelques siècles celle des hommes échassiers. Ceux-ci défendirent les marais et les eaux peu profondes avec assez d'énergie pour obliger les survenants à se rejeter dans les vallées intérieures où la profondeur des lacs les rendit amphibies. Maintenant, il reste également probable que les hommes des eaux noires ne sont qu'un rameau détaché et perfectionné pour la vie aquatique de cette race des hauts vals, tandis que les hommes des eaux claires semblent, au rebours, être venus directement des plaines de l'ouest à travers les marécages et s'être adaptés aux conditions de la vie nouvelle par pure imitation. Les mélanges entre les diverses espèces de l'homme aquatique sont très restreints. Si l'on découvre des traces de fusion entre les hommes des eaux des deux couleurs, rien ne permet de supposer qu'il y eut jamais aucun mariage des amphibies avec les échassiers, ceux-ci regardés comme une race inférieure, tombée à la mélancolie des déchus et diminuant de jour en jour. La possession de Sabine m'enlevait en grande partie l'inquiétude et je m'abandonnais à l'enthousiasme de tant de merveilleuses découvertes. Je voyais l'humanité sous cette nouvelle forme de l'adaptation directe, si méprisée à cause de notre infatuation du cerveau. Je me promettais un long séjour parmi les populations aquatiques, et j'espérais bien pénétrer leurs mystères, non seulement au point de vue historique et ethnographique, mais encore et surtout dans ce qu'ils apportaient de modifications à notre sens des êtres et des choses. Une tristesse cependant me poignait, à songer que d'autres expéditions suivraient la nôtre, que peut-être des colonies d'hommes terrestres viendraient férocement détruire l'œuvre admirable des siècles, anéantir les diverses formes d'hommes lacustres. Alors je me disais, avec cette sincérité vis-à-vis de nous-mêmes, qui est la plus notable conquête des philosophies positives, que mieux vaudrait pour ces pauvres gens que nous périssions tous. Puis je frissonnais en pensant à Sabine. Puis encore je cherchais quelque consolation dans la quasi-impossibilité de franchir les marécages où nous avions failli périr. J'espérais, du moins, qu'il faudrait de longues années avant que les peuplades environnantes, si peu denses, se décidassent à affronter les noirs périls de l'émigration et que d'ici un siècle, l'organisation des hommes des eaux leur permettrait la résistance. Pour accepter le joug d'une grande nation, ils n'en défendraient pas avec moins de vigueur l'intégrité de leur territoire. Leur souplesse à s'assimiler notre langue était aussi d'un excellent présage. Enfin, ces régions, quoique admirable et parfaitement saine, n'en restait pas moins essentiellement lacustre, donc peu accessible aux hommes terrestres. L'accueil que nous reçûmes fut des plus hospitaliers. Selon la coutume de ces peuples, après un délicieux repas, ils nous donnèrent de belles fêtes aquatiques. D'une agilité incomparable et d'une grande résistance à l'asphyxie, bien que ces qualités fussent moins brillantes chez eux que chez leurs rivaux aux yeux planes, leurs évolutions demeuraient pour nous infiniment curieuses. Après tant de fatigues, nous jouissions du calme et du bien-être comme des soldats après une longue étape. Le soir vint. Le manteau de la nuit traîna sur la vallée et Sabine, anéantie, s'endormit contre mon épaule. Or, de ces populations cordiales, des belles eaux crépusculaires, du vaste ciel où s'évanouissaient, en fils de coton, les dernières fureurs de l'ouragan, il venait une telle quiétude, une si tentante promesse de bonheur, que je résolus de passer la nuit avec Sabine en cet endroit. Chapitre 9. La nuit d'angoisse. Avant même que les derniers rayons se fussent éteints sur le val, Sabine fut installée au fond d'une cabane. Moi, je portais ma couchette en travers de la porte, et dehors, sous de l'osier tressé, l'enfant s'abrita. En regardant par les interstices de la porte, je connus que d'autres hommes du village faisaient aussi le guet, et je m'endormis avec confiance. Je pense que notre sommeil durait depuis environ 5 heures, lorsqu'un grand tumulte m'éveilla. Outre le tranquille ruisseau de clarté lunaire, un brasier rougeoyait au dehors. J'ouvris prudemment la porte. Autour du brasier se tenait une vingtaine de vieillards, et parmi eux, des jeunes hommes dont les prunelles planes, les cheveux de lichen barbus, la sombre couleur de peau, signalaient mes adversaires. D'ailleurs, l'athlète noir attira presque aussitôt mes regards. Une rage jalouse gonflait ma poitrine en songeant à ses prétentions. Je crois que j'aurais trouvé un grand soulagement à lutter individuellement contre lui, mais je risquais ainsi que Sabine devint le prix de la victoire. Je résolus d'employer tout ce que la diplomatie m'inspirerait de plus prudent, de ne recourir à la violence qu'à bout d'autres moyens. La réunion semblait d'un conseil des vieillards de la tribu hospitalière, et le tumulte venait des jeunes hommes s'efforçant, cela était visible, d'intimider le conseil. À une minute même, ils rompirent le cercle autour du brasier et se précipitèrent vers notre cabane. Plus de 100 hommes des vallées se mirent contre eux et ils durent renoncer. Il me sembla alors qu'ils voulaient reprendre la conférence, mais le plus imposant des vieillards, d'un coup de pied, dispersa les bûches, et longtemps il parla avec colère sous la lune. Une trêve survint, pendant laquelle notre cabane fut environnée par toute la population du village, tandis que les intrus se retiraient pour camper sur les bords du lac. Sabine dormait. Je m'approchai d'elle. Sur ses cheveux blonds, dénoués et pendus autour de sa tête, il venait un grand rayon pâle. Sa bouche exhalait une haleine paisible et je me sentais près de défaillir de tendresse à voir ce suave sommeil parmi l'adorable soie vivante de la chevelure. Je la laissai dormir et je courus à la porte. Rien n'était changé. Les ravisseurs, là-bas, assis au bord du lac, semblaient attendre le jour. Inquiet de leur présence, j'ouvris la porte. La multitude me regarda dans un silence qui me parut de consternation. L'enfant, mon doux ami, pleurait. Je l'appelai. Il vint, mais, hélas, cette chose qui consternait la foule et qui le faisait pleurer, lui, il ne put me la faire entendre. Tout ce que je crus saisir, c'est que ni Sabine ni moi pouvions nous éloigner de la cabane et que les Noirs attendaient du renfort. Qu'entreprendre? Le fier conseil de tout à l'heure, qui avait ardemment refusé de nous livrer, céderait-il à des renforts? Pourquoi l'athlète noir et son compagnon campaient-ils sans être inquiétés au bord du lac? Je veillai lugubrement. Le sommeil de ma fiancée me parut semblable à un sommeil dans une prison, avec l'attente du supplice. Surtout, je me rendais compte de mon impuissance. Je sentais que d'essayer un coup de force ne me sauverait pas, et au contraire avait toute chance de me perdre. J'étais depuis longtemps, ainsi, aux mornes rêveries du malheur et de l'incertitude, lorsque Sabine s'éveilla avec un sourire. Elle lut ma désolation sur ma face troublée. « Robert, tu souffres? Tu n'es pas malade ?» Je lui exposai les événements. Elle vint jusqu'à la porte, constata la présence de notre ennemi. Puis, quand nous fûmes rentrés, « Alors, Robert, tu crois qu'ils nous livreront ?»« Peut-être. » Le peu de lune venue par le toit suffisait à nous éclairer. Je vis Sabine, les yeux agrandis, farouche, comme une bête poursuivie. Elle se jeta contre ma poitrine. Je l'étreignis, avec quelle débordante passion. Je baisai son front. Elle se tenait tout près de moi. Son cœur répondait au mien. J'avais contre ma joue sa bouche tiède, et elle me rendit presque fou de douleur, d'orgueil, d'amour, en me disant qu'elle ne voulait appartenir qu'à moi, qu'elle mourrait avant toute offense. Nos âmes vibraient dans un divin accord, et ces minutes sont restées belles dans mon souvenir, malgré les tristes événements qui les ont suivis. Nous étions ainsi, serrés l'un contre l'autre, quand le murmure de la foule nous attira vers la porte. Le matin proche, la lune décroissante éclairait encore vivement, mais déjà un lambeau d'ombre traînait sur le lac. La lumière découpait toujours la silhouette des grands vieillards et une autre silhouette où nous reconnûmes l'homme des eaux claires qui nous avait sauvés de l'enlisement. Nous ouvrîmes la porte et parmi le murmure sympathique de foule, avec nos propres cœurs surhaussés d'espérance, nous joignîmes notre ami. Sa physionomie exprima l'affection et la joie, et tous les visages s'éclairèrent de son sourire. Sauf le groupe noir au bord du lac, la multitude s'émut délicatement à notre gratitude et à sa bonté. Mais elle marqua un véritable enthousiasme quand je pris dans mes bras l'enfant des eaux et que je le présentai à notre premier sauveur. Chapitre 10. Le retour d'éclair. Nous restâmes à attendre l'aube auprès des vieillards, de notre bienfaiteur et de l'enfant des eaux. La lune frottait de son pâle phosphore le haut du val et pâlissait les étoiles. Bientôt les myosotis de l'aurore gagnèrent l'Orient et un jour très fin, comme passé au crible de pétales de jacinthe, tomba dans le lac. Le soleil n'avait pas encore levé sa face auguste par-dessus les collines, qu'une vague formidable roula sur la rivière et que des milliers de corps tombèrent avec la cascade dans le lac. Sabine se serrait contre moi, mais je vis au sourire de notre ami Claire et à celui de l'enfant que nous n'avions rien à craindre. Cependant, les nageurs abordaient et formaient tout de suite sur le rivage deux groupes distincts d'hommes des eaux claires et d'hommes des eaux sombres. Spontanément, le conseil de la tribu des eaux souterraines se réunit à part sur un tertre et la tribu se rangea solennellement autour de ce tertre. Puis l'athlète noir, avec trois vieillards de sa race, se plaça sur le devant du conseil, un peu vers la gauche. Notre sauveur et trois vieillards parmi les siens se posèrent à droite. J'eus alors une intuition nette des événements de la nuit et des causes qui avaient changé la consternation de la foule et la douleur de l'enfant en joie et en enthousiasme. Quelques mots firent partager ma conviction par Sabine. Le conseil de la tribu des eaux souterraines, juge du litige, faible et craintif devant ses puissants rivaux, sans l'arrivée des hommes des eaux claires, nous aurait remis aux mains de l'athlète noir. Nous assistâmes à la solennité. Non seulement il nous parut que les juges accueillaient la réclamation de notre sauveur, mais que la tribu des hommes des eaux noires, probablement lasse de guerre, approuvait cette réclamation. L'athlète, devant la défaveur, se retira. Tous ses compagnons le délaissèrent. Nous fûmes remis à nos chers premiers hôtes, et la population du Val nous donna les plus attendrissantes preuves de sympathie. L'enfant ne nous quittait pas, caressé par Sabine, par moi, par notre ami des eaux. Il souffrait un peu de l'épaule et ses yeux brillants de fièvre nous contemplaient avec une extraordinaire affection. Sa souffrance explique qu'il ne put prendre part aux évolutions aquatiques, absolument merveilleuses, qui réjouirent les trois tribus. Notre sauveur Claire fut le premier à disparaître sous le lac, et quoique nous nous efforcions, Sabine et moi, de le distinguer parmi les autres, quoique presque tous les nageurs émergeassent de temps à autre pour nous saluer, jamais nous ne pûmes l'apercevoir. Cette singularité nous frappa peu alors. Nous étions si heureux, si certains d'un bel avenir d'amour et de gloire. Nous ne songions qu'à retrouver Devreuse et le reste de l'expédition, à retourner en Europe. 2 heures s'écoulèrent ainsi. Nous devisions encore, les doigts entrelacés, lorsque je fus projeté sur le sol avec une force irrésistible, et Sabine saisie, emportée comme feuille dans un cyclone. Quand je me relevai, l'athlète sombre fuyait avec Sabine dans la direction de la rivière. Il contournait pour cela le lac sur un sentier dont le bord tombait à pic dans l'eau et qui s'adossait d'autre part à une haute muraille rocheuse. L'enfant courait derrière lui. L'homme farouche, à un moment, s'arrêta, intima à l'enfant de s'en retourner. Celui-ci poussait de grands cris. Moi, j'étais déjà sur ses traces. Je courais au long du sentier. Quand il nous vit tous deux et tout le lac en rumeur, il s'arrêta encore. Nos regards se croisèrent. À ses yeux planes, si éloignés des nôtres, je lus la haine jalouse et aussi la terrible fatalité de la passion, quelque chose de profond, de douloureux et de sauvage à la fois. Il existait, à quelques pas au-dessus du sentier, une étroite corniche où l'on pouvait arriver par un rocher branlant, une de ces pierres tenues en équilibre par hasard et qu'un effort vigoureux déplace. Le plan du ravisseur de Sabine, comme on verra, était de gagner cette corniche. Mais embarrassé de la jeune fille, il fut rattrapé par l'enfant et j'arrivai moi-même de toute ma vitesse. Il cria quelque chose que je ne compris pas, et le pauvre petit fit une réponse où je devinai seulement une intrépide colère. Puis 2 minutes de lutte. L'enfant, précipité du haut du sentier, se fracassant la tête contre la muraille rocheuse. Une formidable clameur de haine. Mon cœur ralentit quelques secondes à l'odieux meurtre, se gonflant tout de suite après d'une rage immense, et je me portai vers le redoutable adversaire, suivi de la foule vengeresse. Mais déjà le sombre avait bondi, escaladé la roche branlante, déposé Sabine sur la corniche, et d'un effort prodigieux de ses jambes, lancer la grande pierre dans le vide, coupant ainsi, pour un quart d'heure au moins, toute communication entre lui et nous. Les trois rebords montaient vers la rivière. On voyait l'ouverture du tunnel où le misérable s'enfoncerait tout à l'heure. Et j'avais lu dans son regard la résolution des désespérés, le déshonneur, la mort de Sabine, toute l'abomination. Je m'ensanglantais vainement les poings pour le rejoindre. La pierre, en tombant, avait laissé une lacune dans le sentier et cela rendait impossible d'atteindre la corniche. Habiles surtout à manier leur harpon dans l'eau, nul n'osait ici se servir de cette arme, de crainte d'une maladresse où Sabine aurait perdu la vie. L'homme courait toujours. Il n'était plus qu'à 10 pas de l'ouverture d'ombre. Je voyais ma fiancée pour la dernière fois à la lumière de ce monde. 10 bras me saisirent au moment où je me précipitais dans le vide par un désespoir insensé. Et comme il arrive dans ces catastrophes où les sens survivent à la pensée, mon ouïe perçut une rumeur singulière du côté du lac, presque aussitôt la détonation d'une carabine, puis encore une détonation. Mon rival là-haut lâchait Sabine, désespérément accroché en cette même minute à une saillie, et je le vis s'abattre sur les rochers où son corps se brisa sourdement. Un regard vers le lac. Jean-Louis Devreuse, notre chef d'expédition, était debout, très ferme, et le meilleur tireur de la troupe après moi, Cachal, relevait sa carabine. De retour au lac de nos premiers amis, nous y vécûmes plus d'un mois encore dans la paix et l'abondance. Les sombres ne se montrèrent plus, ni les hommes des vallées intérieures aux grottes. Devreuse nous conta le rôle joué par notre sauveur dans tous les événements que je viens de décrire. Sabine et moi ne pouvions oublier la mort de notre doux et héroïque enfant des eaux, et nous le pleurons encore aujourd'hui. L'expédition commandée par Jean-Louis Devreuse est rentrée à Paris dans les premiers jours de mai 1892 avec des documents précieux qui feront l'objet d'un grand ouvrage. En juin a été célébré mon mariage avec Sabine. À présent que nous voilà heureux, dans la gloire et le confort de la vieille Europe, souvent vers les heures du rêve crépusculaire, frileusement serrés l'un contre l'autre, nous avons le regret des contrées admirables où nos jeunes amours ont eu la palpitation d'un drame prodigieux.